C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Et puisqu'on est rendu à la fin novembre, début décembre, eh bien, c'est le temps de commencer à repasser mes commentaires des albums que j'ai reçus au cours de l'année, parce que je devrais faire un top 10 là, très, très, très bientôt. Là. Donc, allons-y avec cette semaine, l'escalade de M. Édouard Landry. Troisième album pour l'auteur, compositeur, interprète Édouard Landry. Ce dernier nous propose l'escalade, contrairement aux deux premiers, Pommes plastiques 1 et 2, qui nous parlaient de voyage. Cette fois-ci, eh bien, c'est dans le retour aux sources, la contemplation du parcours fait où, d'où on est rendu, qui est le thème principal. La pièce titre « L'escalade » qui débute l'album nous met tout de suite en contexte. C'est un des beaux textes de l'album qui nous interpelle plutôt sur le parcours de la vie que sur ce qui s'en vient. Deux des chansons de cet album qui nous parlent spécifiquement de son amour pour sa ville natale. Il y a tout simplement « Retour à Sudbury » et « Loin de Montréal » ont le même effet nostalgique sur l'auditeur de cet opus. La dernière de ces deux chansons, elle a un cachet particulier, un folk rock un peu à la Fleetwood Mac. On va l'entendre en fin de commentaire, ce qui en fait un de mes coups de cœur de l'album. C'est vraiment génial et c'est une pièce qui a été très populaire sur les palmarès un peu partout au pays. Donc, je vous donne une adresse, bien entendu. Il y a la PCM, www.apcm.ca ou edouardlandry.com. On va y aller avec l'escalade. Voici l'auteur, compositeur, interprète Édouard Landry. Ce voyage qui est parfois long, long, long, long. Les histoires qui tournent en rond, rond, rond, rond. On n'a pas de temps d'arrêter. Cette montagne est tellement haute. Oh, autre coup de cœur sur cet album qui nous interpelle, eh bien, il y a l'effet miroir, un verre d'oreille garanti qui joue sur les thèmes d'intégrité, de fierté et de rêve profond. Toi est un duo avec Amélie Lefebvre sur une trame de guitare des plus intéressantes. Et finalement, l'épilogue termine bien l'album avec une énoncée sur l'essentiel d'avoir un autre, une famille, un ou une amie qui sont là pour nous à chaque fois dans les moments forts, dans les moments plus durs. Donc, épilogue, très belle chanson. Je vous rappelle, ce disque est sûrement disponible à la PCM, www.apcm.ca, ou encore aller visiter son site internet edouardlandry.com pour découvrir son univers. On va y aller avec une autre pièce qui parle de sa ville natale. C'est Retour à Sudbury, très intéressant. Écoutez le texte, écoutez la mélodie. Voici Edouard Landry. Je ne peux sortir d'ici. Un endroit qui me tentait vraiment. J'ai hâte de retrouver mes amis. Je peux maintenant voir pourquoi, comment. J'ai perdu des anciennes adresses. J'ai trouvé plein de maisons. Montréal, c'était ma maîtresse. Mais Sudbury demeure ma blonde. Ville sale, ville croche, qui m'a bercé dans ses bras. Montréal s'effondre et s'arroche. Mais ma famille est loin de là. Thank you. Troisième opus pour l'auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Édouard Landry, qui ferme une boucle sur l'essentiel de la vie. L'album L'Escalade jouit d'une musicalité folk country un peu plus organique que les deux pommes plastiques, selon moi. Avec des thèmes qui sont plus vers le retour aux sources, Édouard Landry réussit encore une fois à nous séduire. Donc, je vous invite à découvrir son univers en allant, oui, sur la PCM, www.apcm.ca, mais aussi son site internet edouardlandry.com. Vraiment, là, un auteur, compositeur, interprète de la région de Sudbury qui fait de l'excellente musique. La preuve, on va écouter une dernière pièce. Que dire de loin de Montréal? Premièrement, l'univers musical de cette pièce me fait beaucoup penser à du bon vieux Fleetwood Mac comme mélodie, comme rythme, comme c'est vraiment très accrocheur. Comme texte, c'est génial également. Donc, et puis, c'est vraiment une très belle plume. Voici Édouard Landry, Loin de Montréal. Sur le Mont-Royal, c'est moi qui t'accompagne aussi loin de Montréal. Des grands yeux, mais je vois pas souvent clair. Je pense encore que le monde est beau. Je vois la vie comme un cadeau. J'ai toujours voulu être heureuse, heureuse de n'importe quelle façon. J'avoue que je suis pas mal niaiseuse. Parce que qui concerne mes choix de garçon. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'as une vie bohème, vie que tu caches ta peine pour plaire. Mais qu'est-ce que tu veux quand tout ce que t'as connu est viré à l'envers. M'en peint de l'image bien claire, y'a tellement de merde sa terre. Quand tout d'un coup je me sens pas bien, que dans ça je comprends plus rien. Le monde est tellement rendu compte. T'as tout ce que tu veux, je gagne ce que je peux. T'es-tu meilleur que moi? Avec ton gros troc pis tes lunettes, je dirai pas ce que je vois. Mais là je parle pour moi. Me semble qu'il y a tellement plus que ça. Dans ma petite tête, le monde m'embête. J'suis-tu la seule comme ça? Rester belle au fil des ans, sans mettre de poids sur mes épaules. Je voudrais changer le monde, me contenter de ma paix. Changer le voisin, ramener l'entraide, essayer de mourir bien vieille. Mais qu'est-ce que tu veux quand tout le monde est traite avec une maudite face d'herbe. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est rendu que t'es mieux. Le monde est con de René Ray. René Ray qui a lancé son album du côté du Lion d'Or à Montréal. Et si vous allez voir sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de René Ray, vous allez voir qu'il y avait foule. Il y avait foule, oui, il y avait du monde du côté du Lion d'Or pour le lancement de son album. Et j'attends une copie justement de son album et ça me fait plaisir de vous faire entendre d'autres chansons de cette auteure-compositrice-interprète-là. Madame Renée Ray, elle est native de Kapuskasing, demeure maintenant dans la région de Orléans. Et si je ne me trompe pas, elle a aussi un chalet du côté du Mont-Tremblant. C'est vraiment une belle plume, une belle écriture. J'adore son thème de voix, j'adore ses textes, j'adore ses mélodies. C'est un folk fort intéressant, donc on va entendre Online dans quelques instants. C'est les deux pièces que j'ai, Le Monde est con et Online, mais l'album s'en vient et je vais vous partager ça avec vous bien bientôt. On va entendre aussi Céleste Lévy qui, elle, a lancé un album cet automne, Je serai là. Et on va entendre également On ne se connaît pas de Geneviève Herbé et Alain Barbeau qui, eux, travaillent sur leur prochain album qui devrait sortir sûrement au printemps. Mais pour l'instant, voici Online, René Ray. Amène tes yeux un peu ici, je m'ennuie de les voir. Ça fait un bout que je parle dans le vide, mon cœur y est où à soir. Tu peux pas dire, j'ai pas raison. Moi et puis une petite blonde au milieu d'une grande maison. Ah ouais, fini d'y répondre. Ce que j'ai à dire, ça peut attendre. Anyways, pas de problème, j'suis pas jalouse de ton esprit de cellulaire. Le cœur d'un bord pis de l'autre. J'ai pas à grand chose. Au lieu de dire aux filles online qu'ils sont belles, mais aime donc la tienne. C'est quoi tu cherches là anyway? Sauf des compliments fake. L'on attend donnerait des vrais si tu l'aimais.

pas. On ne se connaît pas. Mais chaque fois de grands soleils dans le ciel, étincelle en feu de joie. On ne se connaît pas. Mais dès que je te vois, ramène au début du monde. Alors même la mort n'existe pas. Et je me rapproche un peu. L'amour est curieux. Il voudrait voir au fond de tes yeux. Et je me rapproche un peu. L'amour est curieux. Voir le bonheur à travers la fenêtre de ton cœur. On ne se connaît pas, mais un jour ça viendra. Et toi et moi, on s'accrochera. Passera. Et la vie passera. Un peu trop vite, mais jamais trop belle pour moi. Si je sais que tu es là. Et je me rapproche un peu. L'amour est curieux. Il voudrait voir le bonheur à travers la fenêtre.